Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un acharnement dont la victime s'appelle Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, symbole de ce qu'on dénomme les lanceurs d'alerte. Après s'être réfugié pendant 7 ans dans l'ambassade d'Équateur à Londres, et après avoir été condamné par la justice britannique et emprisonné depuis 2019 dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, toujours à Londres, Julian Assange a été, il y a un mois, le 10 décembre 2021, à nouveau jugé. Mais pas dans le bon sens pour lui. La Haute Cour de justice de Londres a annulé le refus de l'extradition de Julian Assange, décidé en première instance. Il est toujours poursuivi aux États-Unis pour espionnage après avoir publié des documents secrets. Le risque qu'il se retrouve aux mains des Américains est aujourd'hui réel. Mais quoi que fasse la justice aux États-Unis, l'histoire des révélations de Wikileaks et des accusations d'espionnage portées par Julian Assange n'est pas prête de s'arrêter. Revenons donc aujourd'hui sur ces révélations. Le jour où, en 2010, le site internet d'Assange dévoile des documents de l'état-major américain classés confidentiels. Le jour où le monde entier découvre la révolution que tous pressentaient depuis plusieurs années. Le numérique et ses possibles, cette nouvelle donne qui recompose aussi le paysage médiatique, politique et donc diplomatique. Notre invité aujourd'hui, Martin Utersinger, journaliste au Monde et précisément à la rubrique Pixel du Monde. Il est l'un des auteurs du podcast sur Julian Assange dans L'Heure du Monde, podcast dans lequel il raconte le parcours hors du commun d'Assange, devenu la bête noire des États-Unis. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Simon Maisonneuve, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice L'Aigle et Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Reykjavik, 30 mars 2010. Un petit groupe de personnes marche dans les rues de la capitale islandaise. Emmitouflées dans leur parka pour combattre les vents de l'île du Nord, elles finissent par s'arrêter devant une petite maison blanche. Elles l'ont louée pour une semaine. Le leader du groupe s'avance à la rencontre du propriétaire des lieux. Il est un peu plus grand que les autres, longiligne, les yeux gris, le visage légèrement émacié. Il s'appelle Julian Assange. Lui et sa troupe sont journalistes. Et ils sont là pour couvrir le réveil du volcan Eyjafjallajökull de la locule survenu quelques jours plus tôt. Du moins, c'est la version officielle donnée aux autorités et aux propriétaires des lieux. Car en réalité, une fois les clés récupérées, c'est une toute autre opération qui se met en place. Les volets sont tirés, les bureaux déplacés, les ordinateurs installés. On tire des câbles à travers les pièces, on colle des post-it au mur, on rebaptise rapidement la maison, le bunker. Cette fine équipe, c'est celle de Wikileaks. Elle est tout entière dédiée à son prochain objectif, mystérieusement intitulé le projet B, nom de code donné à un document militaire, une vidéo tournée en 2007 pendant la guerre en Irak. Elle a immédiatement été classée confidentielle. Voilà 3 mois que Julian Assange a reçu le document déposé anonymement sur son site Wikileaks. Et voilà 3 mois qu'il travaille nuit et jour. Il a décidé de diffuser ce film à Reykjavik. Lui et son équipe ont tout juste une semaine pour se préparer. Après 6 jours de travail acharné, le projet B est prêt à sortir. Le 5 avril 2010, Julian Assange se rend à Washington où il doit tenir une conférence devant un groupe de journalistes du National Press Club. Il a troqué son vieux t-shirt et son blouson en cuir pour un costume cintré et une cravate. Il se tient face à l'audience avec à sa gauche une toile de projection qui annonce une vidéo au titre énigmatique « Collateral Murder ». Julian Assange lance la lecture. Le film commence par une citation de George Orwell. Le langage politique est destiné à rendre vraisemblables les mensonges, respectables les meurtres et à donner l'apparence de la solidité à ce qui n'est que du vent. Et ce qui suit est terrible. Hotel 26, Crazy Horse 18, have 5 to 6 individuals with AK-47s. Request permission to engage. Come on, fire! God damn it, Kyle. Sorry. L'image, saccadée en noir et blanc, est typique de ces vidéos militaires captées sur le terrain. La séquence est tournée depuis un hélicoptère Apache à bord duquel les soldats américains tirent sur une douzaine de civils irakiens. Parmi eux, il y a un reporter de l'agence Reuters et son chauffeur. Il se trouve que les soldats ont confondu l'objectif du journaliste avec une arme. La suite de la vidéo montre une voiture qui s'arrête au niveau des victimes. Son conducteur vient porter secours au blessé, lui aussi est abattu. Ses deux enfants restés dans le véhicule sont grièvement blessés. Toute l'horreur de la Seconde Guerre du Golfe et des errements de l'armée américaine en Irak sont là, résumés en une séquence vidéo de 18 minutes, brute, frontale, qui glace le sang. Dans la salle de conférence, le silence de l'audience est inversement proportionnel au retentissement de la diffusion simultanée sur YouTube de Collateral Murder. Julian Assange a réussi son coup. Il a choisi le 5 avril pendant le week-end de Pâques où l'actualité est souvent creuse. Et forcément, la vidéo fait le tour du monde et le visage d'Assange s'affiche en une de tous les journaux. Je crois que si ces meurtres sont conformes aux règles d'engagement, alors ces règles d'engagement sont mauvaises, profondément mauvaises. Acculé, l'état-major américain réagit. Selon lui, regarder cette vidéo, c'est considérer la guerre à travers un trou de souris. Les experts, les éditorialistes, les commentateurs rejoignent la ligne des autorités américaines et condamnent la manipulation du montage et la mise en scène de la publication. Julian Assange s'agace, mais l'objectif est atteint. Le monde entier a entendu parler de Wikileaks, passé de simple site internet à ennemi public numéro 1 en quelques heures. Bien, mais qu'est-ce que Wikileaks? Et qui est Julian Assange? Quand il surgit au cœur de l'actualité, on sait peu de choses de lui. Né en 1971 à Townsville, une petite ville de Queensland, dans le nord-est de l'Australie, il passe sa jeunesse sur la route. Lui, sa mère et son demi-frère fuient un beau-père violent. Julian Assange acquiert vers 13 ans son premier ordinateur, un Commodore 64. 3 ans plus tard, il s'achète un modem et transforme sa machine pour l'ouvrir sur les réseaux informatiques et les systèmes de télécom. C'est le point de départ d'un autre nomadisme pour le jeune Assange, numérique celui-là. L'adolescent est un programmateur exceptionnel, capable d'entrer dans des réseaux ultra sécurisés. Avec 2 autres hackers, il fonde un groupe International Subversives. Dans le livre Underground, publié en 1997, il explique la règle d'or du hacking. N'endommagez pas les systèmes que vous pénétrez, ne modifiez pas les informations qui y sont inscrites, partagez-les toutes. Le hacking, une pénétration réussie mais douloureuse en quelque sorte, car vient très vite le temps des premiers ennuis judiciaires. Maddox, le surnom de hacker choisi par Assange, se fait repérer en 1991 lorsqu'il s'introduit dans le système de Nortel, la compagnie des télécommunications canadiennes. 36 chefs d'accusation s'abattent sur le jeune pirate informatique. Finalement, il n'est condamné qu'à verser des dommages et intérêts à l'État canadien. Après une dépression, il voyage au Vietnam, enchaîne les petits boulots et finit par reprendre des études de physique à l'université de Melbourne. C'est aussi durant cette période que Julian Assange construit son discours critique. Après avoir lu et étudié Kafka et Solzhenitsyn, il se rend compte que la véritable injustice, le vrai combat à mener, est celui de l'individu face à l'institution. Il dénonce alors la culture du secret, l'opacité des gouvernements. La vérité contre le mensonge d'État, l'idée de Wikileaks est née. Au cours d'une conférence, en 2010, il explique le fonctionnement du site. Julian, bienvenue. On a dit que Wikileaks, votre bébé, a ces dernières années révélé publiquement plus de documents classifiés que la totalité des autres médias dans le monde. Est-il possible que ce soit vrai? Oui, est-ce possible? C'est un souci, n'est-ce pas, que la totalité des médias dans le monde fasse si mal son boulot qu'un petit groupe d'activistes soit capable de révéler plus de ce genre d'informations que le reste de la presse mondiale combinée? Comment cela est-il possible? Comment les gens publient-ils ces documents et comment leur assurez-vous la confidentialité? Bien, il s'agit, autant qu'on puisse savoir, essentiellement de classiques lanceurs d'alerte. Et nous leur offrons de nombreux moyens de nous faire parvenir l'information. Alors nous utilisons des techniques de pointe en matière de cryptographie. Nous recevons des documents par courrier, le courrier postal classique, crypté ou non. Nous l'examinons minutieusement comme un organisme d'information classique et nous la formatons, ce qui est parfois assez difficile. Quand on prend l'exemple de gigantesques bases de données d'information, nous la révélons publiquement et puis nous nous défendons contre les inévitables attaques légales ou politiques. C'est 4 ans auparavant, le 4 octobre 2006, que le site wikileaks.org est lancé. Après avoir posé les bases du projet à Melbourne, Julian Assange rencontre en juillet 2007 Daniel Dunsteinberg, son futur porte-parole et numéro 2 du Chaos Computer Club, célèbre réunion de hackers à Berlin. Le principe de Wikileaks, que l'on peut traduire par fuite collective, est simple. Le site fonctionne comme une boîte aux lettres. C'est le principe Wiki, comme Wikipédia, interactif est là. Tout un chacun peut y déposer des documents confidentiels, sans être repéré. Le site garantit l'anonymat et la sécurité de la source. Par ce principe, Julian Assange fait appel aux whistleblowers, ces siffleurs ou lanceurs d'alerte qui font fuiter des documents confidentiels. Et ça marche. Dès son lancement, le site reçoit et rend public de nombreux fichiers sensibles. En novembre 2007, les plans et les procédures de sécurité à Guantanamo. En décembre de la même année, un rapport secret sur les détournements de fonds au Kenya qui entraîne la défaite du favori au présidentiel. En 2009, ce sont les relevés bancaires de 1600 clients aux îles Caïmans qui débarquent sur Wikileaks. Évidemment, le site est attaqué en justice par de nombreuses institutions, mais il reste imprenable. Wikileaks n'a pas de siège social. Du site, on ne connaît qu'un lieu physique. C'est un bunker situé à Stockholm, dans le quartier de Söderhamn. Les serveurs sont installés dans cet ancien abri atomique. Pour le reste, tout se passe à distance. Les réunions entre Julian Assange, Daniel Domscheidberg et les bénévoles se font sur la toile, via des réseaux secrets ou des logiciels protégés. Son fondateur non plus n'a pas d'adresse. Un sac pour 2-3 vêtements, un autre pour son ordinateur. Julian Assange vit dans les aéroports, comme il le dit lui-même. Alors, comment est financé le site? Eh bien, grâce aux dons. Par exemple, après la diffusion de la vidéo Collateral Murder, Wikileaks reçoit 200 000 dollars de donations. Les collaborateurs du site ne se retrouvent physiquement que dans les phases de préparation des grosses publications, comme pour la vidéo sur la guerre en Irak. D'ailleurs, ces images n'étaient qu'un avant-goût. L'équipe, en effet, se retrouve quelques mois plus tard à Stockholm. En juillet 2010, Wikileaks et Julian Assange lancent leur deuxième attaque. En une et en gros caractères. Pour le Guardian, c'est l'événement. Il faut dire que la révélation de documents confidentiels sur la guerre en Afghanistan est massive. La plus grosse fuite depuis la guerre du Vietnam. Le quotidien britannique en fait 14 pages et Der Spiegel en Allemagne 17. Les deux titres s'appuient sur Wikileaks. Ce site internet publie aujourd'hui des dizaines de milliers d'archives militaires remontant jusqu'en 2004. Révélations sur les victimes civiles, les liens supposés entre talibans et services secrets pakistanais. Les documents jettent une lumière crue sur la guerre en Afghanistan. Le 25 juillet 2010, trois mois après la diffusion de la vidéo sur la bavure en Irak, Assange décide de changer de stratégie. Alors qu'il s'est toujours montré méfiant vis-à-vis des organes de presse traditionnels, cette fois il travaille avec eux. En l'occurrence, trois journaux, le New York Times aux États-Unis, le Guardian en Angleterre et Der Spiegel en Allemagne. Ce changement de stratégie s'explique par plusieurs raisons. La première est liée à la nature même des documents, somme gigantesque de notes militaires, plus de 300 millions de mots en format informatique complexe. Wikileaks n'a pas les moyens humains et techniques de traiter l'ensemble. Deuxième raison, Julian Assange se rend compte que de passer par ces journaux réputés pour leur sérieux donnera forcément un écho encore plus fort à ses révélations, ainsi que la garantie de se protéger vis-à-vis des autorités et d'asseoir la légitimité des révélations. Du côté du quotidien, c'est un véritable choc des cultures qui s'opère. Une entrée de plein fouet dans ce que Julian Assange appelle le journalisme scientifique. Les rédacteurs en chef, les journalistes, se retrouvent confrontés au data journalisme, des montagnes de données brutes à trier, étudier, sélectionner. Surtout, il faut à présent travailler avec un intermédiaire supplémentaire d'un nouveau genre, Wikileaks et Julian Assange. Un filtre entre le journaliste et la source qui reste anonyme et inconnue. Julian Assange, lui, continuait de commenter les révélations lors de conférences de presse, au cours desquelles il accuse frontalement l'administration américaine. C'est à une cour de décider clairement si, en fin de compte, c'est un crime. Mais de prime abord, il apparaît qu'il y a des crimes de guerre dans les documents. En réalité, les révélations apportées par les documents ne sont pas toujours sensationnelles, non. La véritable révolution opérée par Wikileaks repose sur le timing. Les infos obtenues par le site et la publication commune des trois journaux bouleversent l'agenda diplomatique et politique américain. Wikileaks et Julian Assange mettent en œuvre leurs deux principes cardinaux, maximiser l'impact et obliger les gouvernements à être transparents. Pour l'impact, c'est une réussite. Plus de 4 millions de visiteurs se connectent sur le site du Guardian le jour des publications. Pour l'exigence de transparence, les autorités américaines apportent leur réponse prévisible. L'attaché de presse de la Maison Blanche, Jeff Morrell, menace Julian Assange. Nous voulons qu'ils nous rendent tout et nous voulons que toutes les copies soient effacées, supprimées, envolées. Les États-Unis se doivent de répliquer, de reprendre la main face à cette série de révélations. Alors on commence par dénoncer la dangerosité des secrets publiés, le risque pour certains alliés afghans, pour les soldats américains sur place. On menace les troubles faits. Et ce n'est pas au site internet que les Américains vont s'attaquer, mais à son leader, Julian Assange. Autour de l'ancien hacker, devenu le visage de l'organisation, l'étau se resserre. Enfin, une question est sur toutes les lèvres. Qui est donc le mystérieux informateur qui a donné tous ces documents à Wikileaks? Qui peut être à l'origine de cette fuite historique? Juillet 2010, l'Empire contre-attaque. Il est soupçonné d'être à l'origine des révélations du site Wikileaks qui embarrasse tant Washington. Un soldat américain a été transféré du Koweït à une prison de Virginie. Il avait été inculpé au début du mois pour violation du règlement militaire. C'est lui, en effet, qui aurait livré des milliers de documents classifiés sur la guerre en Afghanistan. L'homme s'appelle Bradley Manning. Il serait le lanceur d'alerte des récentes révélations du site. Le public découvre alors le visage enfantin de ce jeune militaire de 25 ans. Rendez-vous compte, c'est un petit gabarit d'1m58 pour 46 kilos qui fait trembler la première puissance mondiale. Bradley Manning tranche avec l'image du parfait soldat américain, homosexuel militant. Ce petit génie de l'informatique s'est engagé quelques années auparavant. Envoyé en Irak, il a développé sur le terrain une révolte contre la tournure qu'ont pris les événements. Scandalisé par les pertes civiles et les errements stratégiques de son pays, il décide alors de copier sur des CD de Lady Gaga tous les documents qu'il voit passer chaque jour sur son ordinateur. Esselé et malheureux, Bradley Manning commence à chatter avec un inconnu. Le jeune soldat ne le sait pas, mais son interlocuteur, qui s'appelle Adrian Lameau, est un ancien hacker arrêté par le FBI et condamné quelques années auparavant. Lors de leurs échanges, Adrian Lameau gagne la confiance de Bradley Manning. Ce dernier finit par lui révéler qu'il a envoyé l'ensemble des documents copiés et volés à WikiLeaks. Oui, c'est lui. Le hacker décide alors de dénoncer Bradley Manning aux autorités américaines. Chez WikiLeaks, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Le site repose justement sur la garantie de l'anonymat des sources. Et voilà que l'homme à l'origine des plus grandes révélations du site vient d'être arrêté. En aucun cas, Julian Assange et les autres membres de WikiLeaks ne peuvent confirmer que l'homme est bien à l'origine des fuites. Ce serait contrevenir à tous leurs engagements. Mais un mois plus tard, une autre information tombe. La justice suédoise, pourtant connue pour sa discrétion et son efficacité, semble être allée un peu trop vite en besogne concernant les accusations de viol et d'agression sexuelle à l'encontre du fondateur du site internet spécialisé dans le renseignement WikiLeaks, l'Australien Julian Assange. Le mandat d'arrêt émis vendredi soir et bizarrement communiqué à la presse a été purement annulé samedi après-midi, le parquet estimant que les soupçons de viol étaient totalement infondés. De nombreuses questions restent en suspens et notamment celle de la fuite aux médias, de l'avis de recherche et de l'inculpation lancée contre Julian Assange, intox ou coup fourré, la publication à venir de 15 000 documents classifiés de l'armée américaine sur le conflit en Afghanistan n'est évidemment pas du goût de tout le monde. Stockholm, Jean-Paul Pourron pour France Inter. Effectivement, curieuse attitude de la justice suédoise pour une troublante affaire. Le 11 août 2010, Julian Assange se rend en Suède pour participer à un séminaire. Au cours de ce séjour, il rencontre deux jeunes femmes. Il passe une nuit avec Anna Ardin, puis une autre avec une admiratrice. Dans les jours qui suivent ces relations, les deux femmes se retrouvent pour aller porter plainte ensemble alors qu'elles ne se connaissent pas. Selon elles, Julian Assange aurait refusé de porter un préservatif au cours de leur rapport sexuel. Surtout, il n'aurait pas voulu se soumettre à un test VIH par la suite. En Suède, la législation prévoit une classification particulière pour ce type de plainte. Ainsi, Julian Assange est accusé de sexe par surprise. L'homme a depuis regagné l'Angleterre. Il refuse de se rendre en Suède pour s'expliquer dans cette affaire. Un piège, ces deux jeunes femmes ? Coup sur coup, le lanceur d'alerte, Bradley Manning, et le leader du site WikiLeaks, Julian Assange, sont rattrapés par la justice. Dans les deux cas, les protagonistes ont baissé leur garde alors que les autorités étaient à l'affût. Ces événements ont une répercussion directe sur WikiLeaks. Les dissensions naissent au sein de l'équipe. Le numéro 2, Daniel Domscheit-Berg, bras droit de Julian Assange depuis de nombreuses années, vit particulièrement mal l'arrestation de Bradley Manning. Quelque chose s'est brisé. Et puis, l'affaire demeure en Suède, affaiblit Julian Assange au sein de l'organisation. Plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer la visibilité, le rôle accru de leur leader, son caractère dictatorial, ses problèmes avec la justice. Selon eux, il met en péril le travail et l'image de WikiLeaks. Finalement, en septembre, Daniel Domscheit-Berg et d'autres membres importants de WikiLeaks décident de quitter le navire. Pour Assange, comme pour beaucoup d'autres, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, WikiLeaks continue ses révélations. Le 23 octobre 2010, toujours en collaboration avec les trois journaux, rejoints par le journal français Le Monde, des centaines de milliers de documents sont publiés sur la guerre en Irak. Il s'agit des rapports d'incidents rédigés par les officiers sur le terrain. Leur lecture fait froid dans le dos. C'est l'Irak de l'intérieur que l'on découvre. La pratique de la torture par la police irakienne, la violence des soldats américains lors des arrestations, les bavures des forces de sécurité privées. À intervalles réguliers, au compte-gouttes, le site livre ses révélations. Pour le Pentagone, la panique s'installe quant aux possibles publications à venir. D'autant plus que le prochain coup de WikiLeaks, s'ils ne l'ont pas vu venir, eh bien, il le voit venir le 28 novembre 2010. Julian Assange envoie sa troisième banderille. Voici les documents qui embarrassent au plus haut point les États-Unis. Ce sont des notes envoyées par des diplomates américains au département d'État à Washington. 250 000 documents au total qui jettent une lumière crue sur le double langage qui caractérise les relations internationales. On apprend ainsi que le roi Abdallah d'Arabie Saoudite aurait appelé fréquemment les Américains à attaquer Téhéran. Les alliés les plus proches de Washington ne sont pas non plus épargnés par les diplomates américains. Nicolas Sarkozy est ainsi décrit comme susceptible et autoritaire. Silvio Berlusconi, considéré comme irresponsable et imbu de lui-même. Quant à la chancelière Angela Merkel, elle a peur du risque et fait rarement preuve d'imagination. Personne n'a encore été mis officiellement en cause dans cette affaire, mais les autorités américaines suspectent un jeune soldat de 23 ans, Bradley Manning, ancien analyste de données dans l'armée américaine. C'est lui qui aurait transmis tous les documents à WikiLeaks. Il est aujourd'hui en détention aux États-Unis. Un 11 septembre diplomatique. C'est ainsi que Franco Frattini, le ministre des Affaires étrangères italien, qualifie la publication du 28 novembre 2010. Que les coulisses et les secrets de la diplomatie américaine soient mis sur la place publique, effectivement, c'est une première. Et pour les États-Unis, c'est le coup de trop. Alors, on met la pression sur les entreprises qui travaillent avec le site. Dans la foulée de cette parution, WikiLeaks est lâché par ses partenaires. Amazon, qui héberge une partie de ses contenus, abandonne le site. Les groupes bancaires Visa et Mastercard suspendent leur paiement à WikiLeaks. Le site subit une série d'attaques massives. Il est bloqué à plusieurs reprises. Mais des milliers de sites miroirs copient l'intégralité des contenus de WikiLeaks et les rendent à nouveau accessibles. OVH, l'entreprise française, prend le relais d'Amazon et met ses serveurs à disposition pour WikiLeaks. Des hackers, notamment le groupe Anonymous, répliquent et s'attaquent aux multinationales qui ont abandonné WikiLeaks. Les sites d'Amazon, de Visa, de Mastercard se retrouvent bloqués. Le nom de l'opération, Payback, autrement dit, opération vengeance. La popularité de WikiLeaks et de Julian Assange n'a jamais été aussi haute. Sur sa page Facebook, le site passe de 200 000 à 7 millions de fans, et en moins d'une semaine. De son côté, Hillary Clinton, secrétaire d'État américaine, se doit de réagir. Elle tient donc une conférence de presse où elle dénonce les agissements de Julian Assange, à ses yeux, le nouveau cyberterroriste. Les États-Unis condamnent avec la plus grande fermeté cette divulgation d'informations classifiées. It puts people's lives in danger, threatens our national security. Cela met la vie de certaines personnes en danger, menace notre sécurité nationale et mine nos efforts pour travailler avec d'autres pays pour résoudre des problèmes que nous partageons. This disclosure is not just an attack on America's foreign policy interests. Donc que ce soit clair, cette divulgation n'est pas juste une attaque sur les intérêts de la politique étrangère américaine. C'est une attaque sur la communauté internationale. Je suis consciente que certains ont pu, par erreur, télécharger ces documents. There is nothing laudable about endangering innocent people. Donc j'aimerais remettre les pendules à l'heure. Il n'y a rien de glorieux à mettre en danger des personnes innocentes. Il n'y a rien de courageux à saboter les relations pacifiques entre les pays sur lesquels repose notre sécurité nationale. Les menaces contre Julian Assange deviennent rapidement très concrètes. Le 30 novembre, la plainte contre lui en Suède est modifiée pour qu'un mandat d'arrêt international puisse être lancé. Interpol établit une notice rouge sur le cas Assange. 180 pays ont désormais l'obligation de l'arrêter et de l'extrader vers la Suède. Julian Assange est au pied du mur. Il ne peut plus fuir. Alors, le 7 décembre 2010, il décide de se rendre à Scotland Yard. À l'issue de l'audience, le juge refuse sa demande de liberté conditionnelle et ordonne son maintien en détention. L'étau se referme, il est finalement libéré le 14 décembre et assigné à résidence. Pendant ce temps, dans le monde entier, le cas de WikiLeaks et de Julian Assange divise. Avec ce qu'on appelle très vite le Cable Gate, la situation est différente. C'est le secret d'État, la diplomatie de l'ombre qui est divulguée au grand jour. De nombreux observateurs et spécialistes dénoncent ce type de pratique au nom du nécessaire secret des relations internationales. C'est notamment le cas d'Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères française. Là, on a affaire, si je comprends bien, à une personne qui veut se venger, qui est en même temps un hacker relativement doué. Un système informatique qui n'est pas correctement protégé et qui est trop interconnecté avec des tas de systèmes. WikiLeaks qui veut un peu se refaire une vertu, alors qu'il est le théoricien de la transparence absolue, ce qui est un concept totalitaire en réalité. Mais ce qui n'est pas le cas. Parce qu'on a déjà pratiqué la transparence absolue. C'était dans les villages chinois à l'époque de Mao sous la révolution culturelle. Donc si on aime la transparence absolue, voilà, c'est ça qu'il faut faire. WikiLeaks a peur ou se masque un peu, donc passe par des journaux sérieux, qui auraient dû dire « nous, on publie pas le résultat d'un vol », en réalité. On peut rêver de journaux qui ont eu la force de dire ça. Non, je vois bien qu'ils ne pouvaient pas ne pas le faire, mais je pense que ça aurait plus d'allure et que ça aurait donné un coup d'arrêt à une définition de la transparence qui est en fait une forme de totalitarisme masqué. En face, ils sont nombreux à apporter leur soutien au site, et plus particulièrement à Julian Assange. Surtout, il reçoit le soutien de l'Équateur. Je dis surtout car l'Équateur lui accorde droit d'asile. Oui, le leader de Wikileaks peut donc se réfugier à l'ambassade équatorienne à Londres. La tension diplomatique, vous l'imaginez, entre Quito et Washington est alors à son comble. Cette protection permet à Assange de se prémunir d'une extradition en Suède. Il craint que le gouvernement suédois ne l'envoie ensuite aux États-Unis, où il risquerait de passer sa vie en prison. Les personnalités se succèdent à l'ambassade équatorienne aux côtés d'Assange. On croise le cinéaste Ken Loach, la chanteuse Lady Gaga ou encore Jean-Luc Mélenchon, Eva Joly. Des manifestations sont organisées devant la petite maison de briques rouges dans laquelle vit cloîtré l'ancien hacker devenu symbole de la liberté d'informer. Le 19 août 2012, deux mois après s'y être réfugié, Julian Assange se présente au balcon de l'ambassade. Le Pentagone a réitéré ses menaces contre moi en septembre et a affirmé que l'existence même de Wikileaks, c'était un crime commis en plein jour. La vraie démocratie est la résistance des peuples, armés de la seule vérité, de la place Tahrir jusqu'à ici, à Londres. Les gens me demandent souvent, que puis-je faire ? La réponse n'est pas si compliquée. Apprenez comment fonctionne le monde. Remettez en question les déclarations et les intentions de ceux et celles qui cherchent à nous contrôler derrière une façade de démocratie ou de monarchie. Unissez-vous pour un but commun et un principe commun. Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il chante la terre, il chante la terre. Et c'est une vie sans mystère qui se passe de commentaires pendant des journées entières. Il chante la terre, mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour de l'autre côté d'une ville où il n'y avait pas de place pour se garer. Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il sait ce qu'il a à faire. Il chante la terre. Il reste le seul volontaire. Et puisqu'il n'a plus rien à faire, plus fort qu'une armée entière, il chante la terre. Mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour de l'autre côté d'une ville où il n'y avait pas de place pour se garer. Et voilà le miracle en somme. C'est lorsque sa chanson est bonne, car car c'est pour la joie qu'elle lui donne qu'il chante la terre. Affaires sensibles aujourd'hui, Julian Assange et les Wikileaks dont nous allons parler avec notre invité Martin Utterzinger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde et précisément à la rubrique Pixel du Monde et vous êtes l'un des auteurs du podcast sur Julian Assange dans L'Heure du Monde. Alors c'est un podcast dans lequel vous racontez son parcours. Revenons justement sur cette histoire, celle de Wikileaks et d'Assange après ses procès, ses appels, ses jugements, cette menace d'extradition. Aujourd'hui, Julian Assange, j'imagine, est très fragilisé mentalement. Comment va-t-il ? Eh ben, Julian Assange est en mauvaise santé. On a appris là pendant les fêtes qu'il avait fait un malaise en octobre. Je suis pas médecin, mais les symptômes qui sont décrits m'ont l'air assez sérieux. Quand je l'ai vu à Londres lors de son procès, il était amaigri, il était pâle, il avait pas du tout l'air en forme. Et d'ailleurs, au procès à Londres, celui et ce même, puisqu'il y a eu une première instance et un appel qui devait déterminer s'il devait être extradé, la question de sa santé, mentale en particulier, était au cœur des débats. Et il y a plusieurs médecins qui ont pu l'examiner, qui ont défendu devant la cour le fait que s'il devait être extradé, il courait le risque de suicide. Donc il est dans un état physique et mental assez précaire aujourd'hui. Et pourtant, en deuxième instance, on n'interdit plus l'extradition de Julian Assange. Que s'est-il passé entre les deux ? Alors, la première audience, la juge a estimé qu'effectivement, s'il devait être extradé, il courait le risque de suicide. L'appel a eu lieu, l'audience a eu lieu cet automne. Globalement, les mêmes arguments ont été avancés. Simplement, entre-temps, les États-Unis ont formulé un certain nombre de garanties au procureur britannique en disant « si vous l'extradez, nous ne lui appliquerons pas les conditions de détention les plus strictes, nous lui autoriserons à demander de purger sa peine en Australie s'il est condamné parce qu'il est citoyen australien ». Oui, rappelons-le, effectivement. Donc, ça a emporté la conviction du juge d'appel qui a décidé que si ces assurances avaient été données en première instance, le jugement aurait été différent. Donc, il a ordonné un rejugement avec ordonné qu'il soit, cette fois, extradé vers les États-Unis. Alors quand même, cette histoire de 7 ans, on peut y revenir, parce que c'est fou, 7 ans dans l'ambassade d'Équateur à Londres, il vivait dans une petite pièce, je crois. Vous vous rendez compte, si j'ose dire, le confinement, enfin l'enfermement. Oui, alors il y a un 7 contexte... 7 ans, mais c'est très long. Il y a un contexte qui est quand même assez différent, puisque il se réfugie dans l'ambassade d'Équateur pour échapper à une autre demande d'extradition, cette fois-ci venant de la Suède, mais qui ne concernait pas, comme la demande américaine, des faits journalistiques, son activité journalistique, mais des accusations de viol et d'agression sexuelle. Il a combattu cette demande d'extradition, il a perdu, et c'est après avoir perdu devant la Cour suprême britannique qu'il décide de se réfugier dans l'ambassade d'Équateur. Donc le contexte n'est quand même pas tout à fait le même, mais ce qui est certain, et vous avez raison de le préciser, il passe 7 ans dans des conditions extrêmement précaires, dans une toute petite pièce de l'ambassade d'Équateur, probablement, très vraisemblablement, sous surveillance étroite des États-Unis et des Britanniques. Il y a actuellement un procès à Madrid où d'une entreprise qui est accusée d'avoir espionné pour le compte de la CIA Julian Assange alors qu'il était dans l'ambassade d'Équateur. Donc c'est sûr qu'il a passé 7 ans extrêmement compliqués. Et d'ailleurs, durant ces 7 années, Wikileaks a été quasiment à l'arrêt. A été dans un état qui n'était pas du tout celui qui était le sien avant l'emprisonnement ou l'isolement d'Assange. Ce qui devait arranger beaucoup de monde, évidemment. Absolument. Bon, quand même, quand on voit ce parcours, on s'est dit, mais c'est l'histoire d'un acharnement. Enfin, moi, je l'ai présenté comme ça. Peut-être que c'est pas aussi fort que ça, mais ça y ressemble étrangement, quand même. Ben, disons que les États-Unis aujourd'hui, leur but, c'est... Alors peut-être de réduire au silence Wikileaks, mais c'est surtout d'envoyer un message à travers cette procédure inédite, parce que jamais un quiconque, en plus un non-américain, n'avait été accusé d'espionnage, puisque c'est de ça qu'il est question, pour avoir publié des documents. Ça concerne, c'est inquiétant aussi, parce que ça concerne tous les journalistes qui peuvent être amenés à travailler sur des documents américains secrets. Donc, il y a un acharnement, peut-être contre Wikileaks, en tout cas, il y a une volonté d'envoyer un message pour décourager quiconque voudrait exposer des documents secrets américains, ça c'est certain. Qu'est-ce qui vous a motivé pour enquêter sur ce sujet-là ? Alors évidemment qu'il est très intéressant, parce qu'en plus il ramène à une réflexion sur notre propre métier, hein, mais au-delà de ça. Ben moi ça fait une dizaine d'années que j'écris sur Julian Assange. J'ai commencé à l'époque où Assange dépoussiérait le journalisme traditionnel, et justement au moment où il fait ce que les États-Unis lui reprochent aujourd'hui, en l'occurrence publier des documents de l'armée américaine en Irak, en Afghanistan, et les documents de la diplomatie américaine. On parle là de publication en 2010. Donc c'est depuis ce moment-là que je suis le parcours de Julian Assange, qui est aussi fascinant parce que on a tendance... parce qu'il est un peu entré en disgrâce au moment où il joue un rôle très trouble en 2016 dans l'élection présidentielle américaine. Et oui. Mais à l'époque, il fait souffler un vent nouveau sur le journalisme et toutes les enquêtes collaboratives qu'on voit aujourd'hui, qui se basent sur de grandes quantités de documents. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs journalistiques. Oui, mais on va y revenir, c'est très important. Ça sera la deuxième partie de notre interview. Parfait. Parce que ça nous renvoie une vraie, vraie réflexion sur notre métier, sur l'information, sur la vérité. C'est vraiment très intéressant, mais... je voudrais avant qu'on revienne sur cette période 2016. Est-ce qu'il a aidé mécaniquement, ou ne serait-ce que mécaniquement, Trump, ou est-ce qu'on va plus loin que ça ? Alors, il y a un peu deux écoles. Il y a une grande partie des médias américains et des autorités américaines qui pensent que c'est vraiment quasiment un agent russe, qu'il a, rappelons-le, publié les documents issus du piratage du Parti démocrate et de proches d'Hillary Clinton alors qu'elle était candidate. Disons, quasiment sous l'ordre du Kremlin. Ce qui est certain, c'est qu'il a publié ces documents, qu'il les a publiés in extenso, qu'il n'a pas vraiment fait de travail journalistique sur ces documents. Ces documents, il faut quand même le préciser, contenaient des informations d'intérêt public sur les prises de position en privé d'Hillary Clinton, sur la volonté du Parti démocrate de mettre des bâtons dans les roues de Bernie Sanders, qui était donc l'adversaire d'Hillary Clinton lors de la primaire démocrate. Donc il y avait des informations légitimes qu'il était légitime de publier, mais il les a publiées sans aucune réflexion sur d'où elles venaient. En l'occurrence, on sait maintenant que c'était un piratage commandité par le Kremlin. Donc il s'est un peu... Et par ailleurs, il avait des prises de position où on sentait qu'il voulait, par tous les moyens, perturber la campagne d'Hillary Clinton. Il faut aussi comprendre que Julian Assange a un passif avec Hillary Clinton, qu'elle était secrétaire d'État au moment où il publie les documents de la diplomatie américaine, qu'elle a eu des mots extraordinairement durs à son endroit lorsqu'il publie ses documents. Donc il a une haine, mais vraiment un rejet viscéral d'Hillary Clinton et de ce qu'elle représente. Au moins contentieux. Exactement. Donc, vu des États-Unis en tout cas, c'est vraiment... Là, il a basculé un peu dans autre chose que du journalisme, ce qui est une position qui se défend, même si c'est plus complexe que ça. Et ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est que toutes ces... Finalement, Julian Assange, désormais, est soutenu par les médias américains. Le Washington Post, le Guardian, le New York Times ont tous fait des éditoriaux pour dire... Certes, il a peut-être franchi des limites par le passé, mais ce dont on l'accuse aujourd'hui, c'est clairement une menace pour la liberté de la presse. Voilà. On revient aussi quand même au concept d'acharnement, ça se croise. On va évidemment discuter de tout cela. Nous n'avons pas fini, et justement de ce tournant que représentent les lanceurs d'alerte, sous le contrôle, entre guillemets, de journalistes qui, à travers le monde, se sont organisés pour établir un filtre. Et on a évidemment besoin de ça. C'est une thématique extrêmement moderne, extrêmement contemporaine. À tout de suite, on écoute Malik Djoudi, Vertige. Thank you. sensible sur France Inter. Martin Ottersinger, on va se mettre d'abord d'accord sur l'appellation lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte donne des informations de première main qu'il vient recueillir, par exemple, dans l'entreprise dans laquelle il travaille. Ça peut être un lanceur d'alerte. Mais Julian Assange, ça ne correspond pas à ça, parce que jusqu'à preuve du contraire, il ne travaille pas à la CIA. Oui, moi je ne suis pas sûr que le terme de lanceur d'alerte s'applique parfaitement à Julian Assange, et c'est pas une critique, c'est pas une remise en cause, c'est simplement que il a, lui, obtenu des documents, a travaillé sur ces documents et les a publiés à la manière d'un journaliste. La lanceuse d'alerte, dans le cadre de l'affaire qui l'inquiète aujourd'hui, elle a été condamnée, elle a purgé sa peine de prison. C'est Chelsea Manning qui lui avait, en 2009-2010, transmis ces documents que lui ensuite a publiés. Assange, et c'est dans le cadre de cette affaire, il a agi en journaliste. Il a agi en partenariat avec de grands journaux, avec le New York Times, le Guardian, le Spiegel, puis le Monde. Donc, je pense que dans le cadre de cette affaire, il est vraiment attaqué pour son travail journalistique. Après, auparavant et ensuite, il a eu une démarche qui était un peu différente, qui était de contourner un petit peu les médias traditionnels, de publier in extenso un maximum de documents. Il vient d'un milieu, le milieu hacker, qui a érigé un peu la transparence en tant que vertu un peu cardinale. Donc, mais je suis pas sûr que le terme, de toute façon, lanceur d'alerte, lui soit lui aille le mieux. Et d'ailleurs, c'est bien un problème des Américains qui estiment que les faits ne relèvent pas du journalisme. Mais ça, c'est un peu... Ça, c'est un système de défense, un bout d'attaque, évidemment. Pour avoir lu à plusieurs reprises le document d'inculpation qui sert donc de base à son extradition, on y voit décrit des techniques, des actions qui sont celles d'un journaliste, qui sont celles d'un journaliste d'investigation, qui discute avec une source, qui se procure des documents, qui essaye de convaincre, c'est peut-être là qu'il est allé trop loin, c'est pas à moi de le dire, mais qui essaye de convaincre sa source de lui transmettre davantage de documents. Mais ça, tous les journalistes d'investigation vous le diront, ça fait partie du métier. Bien sûr. Alors, parlons quand même des lanceurs d'alerte, puisque si lui n'en est pas tout à fait un, il y en a beaucoup à côté et il nous intéresse. Est-ce que c'est la bonne formule, apparemment ça peut être la bonne formule, de se dire que grâce aux lanceurs d'alerte, on a des informations de première main, hein, qui viennent soit d'une organisation dans laquelle il travaille, une entreprise, et que bien sûr il faut un filtre, qu'on peut pas balancer ça dans la nature, et ça tombe bien, parce qu'il y a des consortiums, on va le dire aux auditeurs, ceux qui ne le savent pas encore, de journalistes, dont des journalistes du Monde, de Radio France, mais tout ça est international. Alors il y a la CAG, Forbidden Stories, vous nous expliquerez. Donc ce filtre journalistique qui est tellement essentiel sur des informations qui sont tellement importantes, est-ce que c'est pas la bonne formule finalement? Ben moi je pense que un nouveau journalisme. Je pense que WikiLeaks n'est pas nécessairement à l'origine de ce mode de fonctionnement, mais en tout cas a donné l'impulsion à ce type d'organisation. Aujourd'hui, on a des consortiums qui travaillent sur de grandes quantités de documents ou d'informations qui ont fuité par le biais le plus souvent de lanceurs d'alerte. Et vous le dites très bien, il faut absolument avoir un filtre. Tout n'est pas publiable in extenso, sans aucune forme d'analyse, de contextualisation, ou même de caviardage dans le cas où ces documents comportent des informations qui erronées ou qui peuvent mettre en danger certaines personnes. C'est le cas lors du procès de Julian Assange. On lui a beaucoup reproché d'avoir publié à certains moments des documents non expurgés du nom d'informateurs de l'armée américaine, mettant de ce fait des informateurs en danger. Et ne respectant pas une règle chez nous, les journalistes, le secret des sources. Absolument. Alors oui, et puis surtout de ne pas mettre en danger des gens qui n'ont absolument rien à voir histoire. Cette démarche journalistique, Assange l'a adoptée, notamment lors de ses publications de 2010. Il s'en est un peu détaché, il a eu beaucoup de mal. Il y a eu la collaboration avec les médias, j'étais pas encore en poste au Monde, mais la collaboration globalement avec tous les médias a été difficile, surtout à la fin avec Julian Assange, qui finit un an plus tard par publier in extenso les documents qui auparavant étaient publiés au compte-gouttes avec des caviardages le cas échéant. Donc je pense que ce rôle journalistique de filtre, la transparence a très clairement ses vertus et il faut donner crédit à WikiLeaks d'avoir impulsé ce mouvement, mais il doit être aussi accompagné d'un filtre, comme vous l'avez dit, et je pense que c'est nécessaire. C'est capital et c'est peut-être la bonne formule. Vous, par exemple, vous travaillez avec le consortium. Absolument. Comment ça marche? Expliquez comment ça marche. Sur une affaire, par exemple, même fictive, on peut imaginer. Tout simplement, on a un matériau brut, des données, des documents. Un consortium est chargé, on va dire, techniquement de contrôler les accès, d'organiser le travail, de permettre à des journalistes de plusieurs rédactions de discuter, d'accéder à ce matériau, d'échanger, de se réunir, d'échanger des pistes, des idées, des sources, des contacts. Et ensuite, il y a la publication. Plus la publication se rapproche, plus le travail s'intensifie. Et au bout d'un moment, les rédactions dans plusieurs médias, plusieurs pays, plusieurs continents, y compris chez nous, Radio France, tout à fait, se coordonnent pour publier en même temps des informations sur la base de ce travail très collaboratif. Et il y a quelques années, cette collaboration, y compris entre des médias qui peuvent être concurrents, par exemple le Monde et Radio France, c'était totalement impensable. Maintenant, c'est totalement rentré dans les mœurs. Et qu'est-ce que vous en pensez en termes de qualité que ça peut apporter à ce métier qui est le nôtre, journaliste? C'est formidable. Positif, là. C'est absolument formidable. C'est que on additionne, en additionnant les journalistes, on multiplie leur capacité à sortir des informations, parce que un journaliste allemand n'a pas forcément les mêmes sources, la même façon de travailler qu'un journaliste français. Absolument. Et les deux se complètent, et c'est absolument formidable pour avoir fait partie d'un consortium pendant 6 mois cette année. C'est absolument formidable comme manière de fonctionner, et c'est une très bonne nouvelle pour le journalisme que ce mode de fonctionnement ait gagné ses lettres de noblesse. Vous êtes un jeune journaliste, vous n'avez peut-être pas vécu l'époque où on disait, à juste titre d'ailleurs, mais parmi les gens qui captent la parole, qui monopolisent la parole, il y a les journalistes. Donc un besoin aussi d'être prescripteur de l'information, pour tout le monde, sauf que là encore c'est dangereux, donc faut bien qu'il y ait des journalistes. Mais là, avec les lanceurs d'alerte, on a encore une formule idéale, puisqu'elle permet à des gens qui ne sont pas journalistes d'enquêter et d'être soutenus par des journalistes, encore une fois. Donc, souvent on dit certains métiers sont à la croisée des chemins. Alors, c'est une belle formule un peu éculée, mais pour nous, c'est vraiment exactement ça. C'est une croisée des chemins, elle n'est pas forcément sombre. Non, je ne pense pas. Après, il faut aussi remettre en perspective ce statut, parce que le statut de lanceur d'alerte, c'est ce qu'on appelait pendant très longtemps une source. Travailler avec des sources, ça n'est pas un phénomène récent dans le journalisme. Oui. Ce qui change un petit peu avec l'avènement du numérique et de Wikileaks et de ses consortiums, c'est que avant, quand il fallait sortir une information et un document, c'était très compliqué, il fallait aller à la photocopieuse, faire attention à ne pas être pris par ses collègues. Aujourd'hui, avec une clé USB ou un disque dur externe, on peut extraire comme ça très facilement de grandes quantités de données et les transmettre aux journalistes. Merci infiniment, Martin Untersinger, de nous avoir apporté vos éclairages sur cette nouvelle façon d'exercer le métier de journaliste et de diffuser l'information. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Julian Assange, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Guillaume Moreau. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Sophie Bobert, Marjolaine Corr et Adrien Mora. Attaché de production, Rebecca Denante. Programmation musicale, Valentine Chedebois. Lecture, Aurélien Labrouillère. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Marion Lelay, Hélène Bizio et Stéphane Combes.